Terre de Sable d'Attaque Québec. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível. Bonjour, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capital National, préparée, comme toujours, par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par notre camarade Jeanne Gutierrez. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée dans un premier temps à un retour sur la défaite, et oui, la défaite subie par le Canada lors du vote aux Nations Unies de mardi dernier, alors qu'il devait attribuer les sièges non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, c'est Cédric Leterme qui viendra nous parler de la signification de cette défaite pour la politique étrangère du gouvernement Harper. Et en deuxième demi-heure, nous aurons le plaisir de retrouver l'organisme Développement et Paix pour leur chronique mensuelle. Cette semaine, c'est M. Daniel Allaire qui viendra nous entretenir, entre autres, du projet de loi C-300 sur la responsabilité des entreprises extractives. Tout ceci, bien entendu, après une courte pause musicale. Donc, restez avec nous sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Tu veux changer le monde? Livrer le bon combat, changer le monde, changer d'allure et de coiffure. Je veux me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire, je vais faire le contraire. Je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou coquarant. Je vais changer le monde, choisir mon éclair. Si je entouré de son amour d'avachi. Et voilà dedans, moi et mes insomnies. Je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde et rire des grands débats. Et rire des grands débats. Et rire. Je vais changer le monde, doubler mon uniforme. Changer le monde, changer d'école et de couleur. Comment faire taire ceux qui ne disent rien? Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Paul Carniello avec Qui va changer le monde. Merci, Jeanne. De retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, comme je vous annonçais en début d'émission, mardi dernier, le 12 octobre, se sont tenues aux Nations Unies à New York les élections visant à renouveler 5 des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, parmi les 3 concurrents en liste pour les 2 sièges réservés à la région Europe occidentale et autres pays, alors, il y avait bien sûr le Canada, mais on retrouvait également l'Allemagne et le Portugal. Alors qu'il était à peu près certain de l'emporter, comme c'est souvent le cas, alors le Canada s'est vu infliger ce que beaucoup considèrent comme une grosse gifle diplomatique. Alors, pour en parler ce soir, on est rejoint par notre fidèle collaborateur et producteur de l'émission, Cédric Leterme. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu veux d'abord rappeler brièvement de quoi il était question exactement avec ce vote? Oui. Donc, comme tu l'as bien dit, il s'agissait en fait de renouveler 5 des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, juste pour revenir peut-être un peu sur le fonctionnement de l'organisation, pour savoir exactement de quoi il s'agissait, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, on sait tous à peu près ce que c'est, mais c'est en gros une organisation internationale qui regroupe tous les États du monde. Donc, il y a 192 États qui sont représentés à l'ONU. Elle a été créée en 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale sur une idée des Américains. Donc ça, ça a quand même une grosse importance pour ce qui va venir après sur sa forme et la fonction qu'elle exerce, et la façon dont elle l'exerce aussi. Alors, comme la plupart des organisations internationales, elle se compose d'abord d'une assemblée générale, qui est un peu l'organe plénier, qui est l'espèce d'organe suprême, et qui comprend donc tous les États membres, et qui est chargé, lui, de déterminer les grandes orientations de l'organisation. Évidemment, cet organe-là, il est tellement lourd à réunir qu'il se réunit pas très souvent. Donc, entre deux réunions, on a souvent un comité exécutif qui est plus restreint. Et donc ici, ça s'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU, qui va être, lui, en charge de gérer un petit peu les affaires plus courantes, puis de prendre vraiment des décisions plus concrètes sur la base des orientations qui sont décidées par l'Assemblée générale. Et puis après, on a enfin le secrétariat. Tout le monde connaît le secrétaire des Nations Unies, qui est Ban Ki-moon pour l'instant. Et lui, il gère donc tout le côté administratif, puis lui, vraiment la gestion courante, quoi. Donc vraiment les choses de tous les jours, mais qui n'impliquent pas vraiment de décisions stratégiques, on va dire, quoi. Alors, juste pour me dire, juste pour rappeler, c'est un petit comité, donc qui sont à peu près une dizaine. Oui, c'est ça. Je vais y venir. Donc, en fait, la particularité de l'ONU, c'est de un que c'est vraiment ce Conseil de sécurité. En fait, ce qui est bizarre à l'ONU, c'est que ce petit comité-là, qui est normalement subordonné à l'Assemblée générale, mais en fait, il a des compétences que l'Assemblée générale n'a pas. Donc, dans le domaine du maintien de la paix, c'est le seul à avoir cette compétence-là. Et en plus, il est le seul à pouvoir adopter, dans le domaine du maintien de la paix, des résolutions qui sont obligatoires. C'est-à-dire que normalement, les organisations internationales, leurs membres, c'est des États souverains, donc on ne peut pas obliger un État souverain à faire quelque chose qui n'a pas décidé. Donc les résolutions que l'Assemblée générale de l'ONU adopte, elles ont juste valeur recommandatoire, c'est des recommandations qu'on fait aux États, mais c'est pas obligatoire. Par contre, dans le domaine du maintien de la paix, le Conseil de sécurité a le pouvoir d'adopter des résolutions contraignantes, obligatoires, donc il peut faire respecter par la force, s'il faut, ces décisions aux États qui sont visés par ces résolutions. Donc c'est assez important, et ça montre bien tout l'intérêt pour le Canada d'être élu à un poste au sein de ce Conseil de sécurité-là, parce qu'il a vraiment un pouvoir d'orientation très important. Donc pour revenir à ce que tu demandais, et pour revenir à ce que je disais aussi sur le fait que c'était important que l'ONU ait été créée en 45 après la Seconde Guerre mondiale et sur initiative des États-Unis, c'est qu'au niveau de la composition du Conseil de sécurité, on entend souvent parler des 5 membres permanents. Ces 5 membres-là, ce sont en fait les 5 gagnants de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Donc on a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Et donc ces 5 membres-là ont un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer à l'adoption de n'importe quelle décision pour adopter le Conseil. Donc c'est vraiment, non seulement ils siègent tout le temps, mais en plus ils ont le droit de faire capoter n'importe quelle décision qui serait prise. Donc là, c'est vraiment, par contre, une particularité de nouveau de l'Organisation des Nations Unies, qui se veut une organisation universelle et qui représenterait les intérêts de la communauté internationale, mais qui reste quand même fort marquée par ce rapport de force issu de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup d'États, évidemment, qui critiquent ce côté-là. Et puis à côté de ces 5 membres permanents, on a donc 10 sièges qui sont réservés à des membres non permanents. Ok, d'accord. Donc tu me dis un petit peu que les 5 membres permanents peuvent avoir un droit sur tout. Ouais, ils peuvent s'opposer à n'importe quelle décision. D'accord. Alors, est-ce que ces sièges non permanents qui étaient en jeu dans l'élection de mardi? Ça, en fait, c'est pas tous les sièges non permanents, parce qu'on les renouvelle jamais tous en même temps. Donc c'était juste, c'est ça, normalement l'ONU répartit en fait les différents sièges non permanents entre différentes zones géographiques. Okay. Et puis tous les X temps, on va renouveler seulement une partie de ces sièges non permanents. Ça permet d'assurer une certaine continuité, une certaine stabilité quand même dans le fonctionnement du Conseil. Si on renouvelle tout en même temps, ça fait un peu des ruptures un peu trop brusques. Et donc mardi dernier, il y avait 5 sièges non permanents en tout à réattribuer, dont 2 pour la région particulière d'Europe occidentale et autres pays, c'est comme ça qu'elle s'appelle, dans laquelle le Canada se trouve. Et donc le Canada est en compétition là-dedans contre l'Allemagne et le Portugal. Et là, si je comprends bien, le Canada aurait perdu. Le Canada a perdu, exactement. Donc en fait l'Allemagne est passée au premier tour, elle a eu assez de voix pour passer dès le premier tour. Donc après, il s'agissait de départager le Canada et le Portugal. Parfois ça peut aller à énormément de tours, sauf qu'ici après le second tour, le Canada s'est bien rendu compte qu'il aurait jamais les voix. Donc il a jeté l'éponge et puis il a laissé le Portugal gagner. Tu l'as dit en introduction, c'est vraiment une énorme claque pour le Canada et pour la diplomatie canadienne. pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que le Canada a toujours obtenu ce poste-là quand il l'a convoité, ça depuis la création même des Nations Unies. Donc à chaque fois qu'il a voulu être élu au Conseil non permanent, il l'a été. Donc c'est vraiment un gros revers qu'il vient d'essuyer maintenant. Et la deuxième raison, c'est que ça aurait dû être d'autant plus facile pour le Canada d'être élu au Conseil de sécurité, puisque, étant donné que la France et la Grande-Bretagne sont déjà membres permanents, ça paraissait un peu improbable qu'on élise deux autres pays européens, l'Allemagne et le Portugal, pour siéger aussi. Donc ça avait l'air d'être vraiment un atout de poids pour le Canada, en tout cas. Donc le fait qu'il perde dans ces conditions-là, c'est vraiment doublement surprenant pour lui. C'est un peu comme prendre pour acquis un siège, finalement. Oui, donc c'est... Mais comment, justement, on peut expliquer cette solide défaite? Alors, on sait, par exemple, que le ministre des Affaires fédérales donc a blâmé Michael Ignatieff. Oui, c'est ça. Ben, donc c'est vrai que c'est une des explications qui ont été données par le ministre des Affaires étrangères, Cannon, et puis par l'administration Harper aussi, qui a repris un peu cette idée-là, selon laquelle les déclarations que Michael Ignatieff aurait fait il y a quelques semaines, où il avait un peu mis en doute le fait que le Canada méritait le siège. Oh. Donc, simplement dit ça. Donc l'idée, ce serait de dire que ces déclarations-là ont fait en sorte qu'on n'est pas arrivé avec un front uni, qu'on a eu une image de désunion au niveau international, donc ça a nui à la candidature. On a aussi entendu à côté le même ministre, Monsieur Cannon, et puis Stephen Harper a repris aussi cet argument-là hier, affirmer que ce serait en fait dû au fait que le Canada mène une politique intègre, il mène une politique étrangère basée sur des principes de démocratie, de droits de l'homme, etc. Et le fait qu'il refuse de transiger sur ces principes, c'est ça qui lui aurait valu un revers de la part d'États peu regardants sur ces questions-là. En ce qui concerne la première raison invoquée, que ce soit dû aux déclarations de Michael Ignatieff, la plupart des observateurs s'accordent à dire pour dire que c'est ridicule. De un, les autres pays ne s'intéressent pas d'aussi près aux événements de politique intérieure des États, on s'en doute. Ce ne sont pas des petits événements comme ça qui peuvent vraiment faire la une dans les autres pays. Et en plus, on se doute bien que sur des votes aussi importants, il y a quand même des enjeux plus fondamentaux qui interviennent que les déclarations d'un leader de l'opposition. Donc, tout à fait. Mais est-ce qu'il y aurait une deuxième raison ou d'autres raisons? Donc la deuxième raison qui est avancée, selon laquelle ce serait la politique étrangère de principe et intègre du Canada qui expliquerait sa défaite, là aussi ça prête à sourire. Premièrement, parce que affirmer que c'est l'intransigeance du Canada sur ces questions-là qui l'a empêché de gagner, ça revient à dire que les deux autres États, l'Allemagne et le Portugal, sont moins regardants que lui, ce qui est déjà pas très gentil pour ces deux pays-là. Et puis, ce qui est pas spécialement vrai, en plus, se vanter d'un bilan exemplaire en matière de droits de l'homme et de démocratie, c'est peut-être un petit peu osé aussi pour l'administration Harper, puisque, c'est pas le cas, on le verra. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'en fait, le résultat, ça constitue vraiment simplement un désaveu de la politique étrangère menée par le Canada ces dernières années. Alors, à quel niveau, qu'est-ce qu'on reproche en particulier? Qu'est-ce que l'ONU reproche en particulier au Canada? L'ONU, peut-être pas spécialement l'ONU, mais en tout cas, dans la communauté internationale, on peut reprocher... Parce qu'il faut préciser en tout cas que vu que le vote de mardi dernier était secret, on n'est pas vraiment en mesure d'affirmer avec certitude et exactitude quels sont les éléments qui ont pesé plus que d'autres et pourquoi tel pays n'a pas voté tel enjeu. Donc c'est un peu difficile de se prononcer de manière exacte. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a eu des gros changements dans l'orientation de la politique étrangère du Canada depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs, qui se sont mis vraiment à dos à la communauté internationale sur toute une série d'enjeux. Et donc c'est certain qu'en tout cas, parmi ces enjeux-là, il y en a beaucoup qui expliquent, qui aident à expliquer la défaite qui a été subie par le Canada mardi dernier. Alors Cédric, je t'arrête pour quelques instants. Alors, le temps d'une petite pause et j'ai bien hâte d'entendre ce que tu as à nous dire à ce sujet. Alors, si vous voulez connaître davantage qu'est-ce que, dans le fond, la communauté internationale peut reprocher au Canada, alors on se retrouve tout de suite après la pause pour terminer notre entretien. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès à ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Que nous soyons désunis, une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi. De retour au grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je suis toujours en compagnie de Cédric Leterne avec qui nous évoquons la récente défaite subie par le Canada aux Nations Unies. Alors, tu disais, Cédric, que cette défaite était due notamment aux évolutions observées dans la politique étrangère du Canada depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Est-ce que tu peux... Donc, ce serait quoi les exemples, en fond? Ben, d'abord, en fait, on pourrait commencer... Il y a beaucoup d'observateurs qui mentionnent le fait que le Canada se soit complètement aligné sur les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper, des conservateurs. En fait, jusqu'à présent, le Canada était vraiment connu pour avoir une certaine indépendance face aux États-Unis. Alors, je mets des guillemets là-dessus, parce que tout est relatif, mais en tout cas... il parvenait quand même à essayer de se distancier puis avoir sur beaucoup d'enjeux une attitude peut-être un peu plus pragmatique et de rechercher un petit peu plus le consensus et de pas suivre en tout cas aveuglément les volontés des Américains. Donc le Canada arrivait à promouvoir vraiment un petit peu sa propre approche et puis parfois ça impliquait qu'ils étaient même prêts à aller à l'encontre de ce que les États-Unis voulaient faire. On peut citer plusieurs exemples, par exemple l'adoption par le Canada du protocole de Kyoto, alors que les États-Unis ne le faisaient pas. Par exemple, sur la question israélo-palestinienne, leur position était loin d'être parfaite, mais en tout cas, ils étaient plus nuancés que ce que les États-Unis pouvaient l'être. Et au niveau de la guerre en Irak aussi, le Canada a refusé de suivre les États-Unis, donc il était vraiment perçu comme un bon joueur, entre guillemets, au niveau international, puis engagé en tout cas vers des buts un petit peu plus nobles que d'autres. Alors au niveau international, ça l'aurait changé? Bah, tout à fait. C'est certain qu'on a vraiment eu, avec le gouvernement actuel, un alignement quasi complet sur la politique étrangère et les objectifs de politique étrangère des États-Unis. Et évidemment, comme c'est souvent le cas, mais ça se fait au détriment de la prétendue volonté du Canada, et là je cite les mots de ce cher Harper, de défendre les droits de la personne, la justice, la primauté du droit et l'aide humanitaire aux plus démunis. En fait, si on prend chacun de ces objectifs-là, on peut trouver un exemple où les changements qui sont intervenus dans la politique étrangère du Canada ces dernières années les bafouent allègrement. Ah oui, alors comme quoi par exemple? Mais on pourrait commencer par citer le soutien absolu et inconditionnel qui est accordé par Harper à Israël. Ah oui. Il a encore affiché récemment, et ce malgré les condamnations répétées dont Israël fait l'objet au niveau du droit international, que ce soit sur la question du mur de sécurité, que ce soit au niveau de la construction de colonies en territoire occupé, que ce soit au niveau du blocus. Alors au niveau de la communauté internationale, c'est ce qu'il recommande donc de... Ben en tout cas, au niveau du droit international, tout ça est reconnu comme des infractions de la part d'Israël. Le blocus aussi a été reconnu comme une infraction au droit international. Il y a eu aussi des allégations de crimes de guerre perpétrés par Israël au moment de l'offensive contre Gaza plus récemment. Le mur de sécurité a été condamné aussi par la Cour internationale de justice. Et la construction des colonies, évidemment, en territoire occupé, ça viole de manière flagrante beaucoup de conventions et tout le droit international. Et face à ça, Harper s'est systématiquement rangé derrière Israël. C'est devenu à tel point que c'est même au-delà de ce que les États-Unis font eux-mêmes, parce que même eux commencent à être un petit peu embêtés par l'intransigeance et l'extrémisme qu'on voit se développer en Israël. Et puis évidemment, chaque fois, ça envoie un message particulièrement ambigu, pour dire le moins, envers les pays arabes. Donc on peut supposer avec beaucoup de probabilité qu'il y a peu de pays arabes qui ont dû donner leur voix au Canada mardi dernier. Pour citer d'autres exemples, le Canada était aussi l'un des quatre seuls pays au monde à refuser de signer la Convention internationale sur la protection des droits autochtones. Donc là aussi, ça envoie quand même un signal assez douteux sur son engagement dans la défense des droits de l'homme. On pourrait parler aussi de la lutte contre les changements climatiques, évidemment, c'est vraiment des dossiers sur lesquels le Canada est devenu l'un des pays les plus réactionnaires en la matière. On l'a encore vu lors de la conférence de Copenhague l'année dernière, où on a vraiment fait office de paria par rapport à la communauté internationale. D'abord, on s'est aligné sur les objectifs, faut le dire, ridicules de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont été adoptés par les États-Unis. Donc on s'est contenté d'adopter les mêmes objectifs qui étaient d'avis de tout le monde, nettement inférieur. Et puis on a aidé aussi les États-Unis à essayer de torpiller le moindre accord contraignant qui aurait pu sortir des négociations et qui devrait normalement remplacer le protocole de Kyoto. Et donc de nouveau, on s'est mis à dos la majorité de la communauté internationale sur ces enjeux-là, et en particulier ici les pays les plus pauvres, puisque on le sait, ce sont eux qui subissent en fait le plus durement les effets du réchauffement climatique. Et justement, qu'en est-il de ce bilan-là, de cette administration-là, donc en termes d'aide aux pays en développement? C'est vrai qu'au niveau de l'aide pour les pays en développement, le bilan n'est pas très brillant non plus. On peut aussi trouver ici des grosses raisons qui pourraient expliquer le désaveu qu'a subi le Canada. Par exemple, le gouvernement Harper, dans le cours de son mandat, a tout d'un coup annoncé brusquement et sans prévenir qu'il retirait l'aide canadienne au développement pour 8 programmes destinés à des pays d'Afrique qui étaient extrêmement pauvres, alors que ce programme était reconnu pour leur efficacité. Puis il a aussi annulé des programmes d'aide au Moyen-Orient, et notamment envers la Palestine, qui en a pourtant vraiment besoin. Et dans le même temps, il a, à côté de ça, augmenté significativement son aide envers l'Amérique latine, envers des pays qui on va pas dire qu'ils ne le méritaient pas, parce qu'ils, bien sûr qu'ils en ont besoin aussi, mais peut-être moins que les pays d'Afrique qui sont vus leurs fonds retirés. Et ça, en fait, ça s'inscrit aussi dans une volonté en fait de se rapprocher des États-Unis, en venant renforcer quelque part la position des États-Unis au sein d'un continent qui sont en train de perdre petit à petit, dans lequel ils sont en train d'un peu de perdre pied pour l'instant. Donc c'est une manière pour le Canada de venir vraiment renforcer son allié en recréant des liens en Amérique latine. Puis on a aussi entendu beaucoup parler de l'indifférence, voire du mépris affiché par l'actuel gouvernement face à l'ONU. Donc est-ce que peut-être que ça aussi, ça a joué? Oui, ça a sûrement joué aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont souligné l'hypocrisie un peu de toute cette entreprise de séduction à laquelle s'est livré le Canada ces derniers mois pour essayer justement d'avoir ce siège. On a entendu louer les valeurs qu'incarnait l'ONU et se présenter comme un pays qui promouvait la paix, etc. Ça dénote quand même singulièrement avec le mépris absolu que Harper démontre envers les Nations Unies, puis plus globalement envers la communauté internationale depuis le début de son mandat. Par exemple, au moment de se lancer dans la course pour le siège, donc ça c'était en 2008, au moment où la course a plus ou moins officiellement commencé, le Canada avait envoyé un simple fonctionnaire le représenter à l'Assemblée générale des Nations Unies, au lieu d'envoyer un ministre. Donc c'est quand même déjà une marque du respect qu'il avait pour l'institution. Tout à fait. De manière peut-être plus flagrante encore, c'est vraiment, ça pourrait pas être plus évident. L'année dernière, tout le monde se souvient de cet événement où, au lieu de prononcer son discours à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, Stephen Harper a préféré se rendre dans un événement professionnel dans un Tim Hortons en Ontario. Donc au lieu d'aller parler devant les Nations Unies de réchauffement climatique, il a préféré aller là. Ça a beaucoup marqué les esprits, puis ça en disait long sur le respect qu'il a pour l'ONU. Peut-être plus concrètement, le Canada aussi a considérablement réduit sa contribution aux missions de maintien de la paix à travers le monde, donc notamment en termes de contingent de casques bleus. Ici aussi, c'est assez ironique, puisque faut le rappeler, c'est le Canada qui est en fait à l'origine de la création des casques bleus. C'est le Canada qui a l'initiative de la création de cette institution-là. Donc c'est un peu particulier aussi de le voir maintenant se retirer significativement. et au profit par contre d'un réengagement massif en Afghanistan, où là on est vraiment dans une opération de guerre, d'agression, qui en plus mène nulle part pour l'instant. Donc on voit que tout ça contribue en tout cas à faire en sorte que le Canada perd progressivement son image de promoteur de paix, de bon joueur sur laquelle il pouvait reposer avant, qui était peut-être plus ou moins vrai, mais en tout cas la plupart du temps c'est vrai que le Canada faisait office de bon joueur au niveau international, et maintenant on le voit vraiment juste comme un vulgaire subordonné des États-Unis sur lesquels il s'aligne sans nuance et sans nuance. Alors mais Cédric, merci, en tout cas il y a beaucoup de... Avec plaisir. Ça laisse, en tout cas malgré que ces affirmations ou en tout cas ces commentaires, ça laisse beaucoup place à matière à réflexion sur l'engagement et un petit peu l'orientation. Espérons que ça le fasse réfléchir lui aussi en tout cas. Mais... Oui, mais je ne sais pas vous, les auditeurs, ceux qui nous écoutez ce soir, si vous avez envie un petit peu de nous écrire ou en tout cas de vous exprimer sur ce sujet. Vous pouvez le faire à l'adresse le courriel legrainsable@hotmail.com. Et puis c'est sûr que c'est assez inquiétant. Donc en plus le Canada aurait pu avoir une place quand même importante au niveau décisionnel. C'est sûr. Bah finalement c'est une bonne chose en tout cas. En tout cas influencer les décisions, on aurait pu quand même influencer les décisions. Voilà. Et avec cette administration aussi, s'ils avaient eu ce pouvoir-là, on peut estimer qu'ils en auraient usé de manière peut-être pas très intelligente. Donc c'est finalement une bonne chose en plus de la leçon que ça leur donne. Vrai. Cette défaite-là, on peut vraiment le voir comme une victoire, en tout cas pour nous. Dans ce sens-là, oui, tout à fait. Mais en espérant qu'on ait d'autres orientations éventuelles. Alors, on va se quitter le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve après avec Daniel Allaire, fervent militant de l'organisme Développement et Paix, qui va venir nous parler du projet de loi C-300. Donc, à tout de suite. Vous pourriez vivre vos rêves au max. Parce que ce vendredi, le gros lot du Lotomax est évalué à 32 millions de dollars. 32 millions. Lotomax. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le samedi 16 octobre à 13h, venez assister en direct du Studio P à Contes de Fées, la seule émission de littérature jeunesse à Québec. Dans le cadre du festival En toutes lettres, Olivia Vu et son équipe présentera une émission spéciale sur l'écrivain Georges-Louis Borges. Aussi, gourmandise salée et sucrée, offerte par la boîte à pain rue Saint-Joseph et 3e Avenue. Contes de Fées, le samedi 16 octobre à 13h au Studio P, 280 rue Saint-Joseph. Une collaboration de la librairie Pantoute, la référence passionnée pour toutes les lectures. Tu sais que pour l'immigration... Dans le passé, la communauté anglophone constituait 50% de la population de la ville de Québec. Aujourd'hui, cette communauté ne représente que 10% de la population. À Québec, il existe un centre culturel anglophone, plusieurs lieux de culte anglican. Cette semaine, l'émission Égalité genre féminin vous propose une incursion dans cette communauté anglophone. Égalité genre féminin avec Sophie Gall, jeudi 21 octobre à 9h30 sur les ondes de CKRL. Cette émission est produite en partenariat avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Avez-vous déjà passé une nuit dehors? Des milliers de vos concitoyens vivent au quotidien cette réalité. Et vous êtes invités à venir la partager le temps d'une nuit le 15 octobre prochain dès 18h. C'est la nuit des sans-abri. Depuis plus de 20 ans, la nuit des sans-abri est une vigile de solidarité à l'échelle québécoise qui vise à sensibiliser la population aux difficultés vécues par plusieurs personnes qui connaissent la précarité du travail, du logement et de la participation sociale en passant une nuit froide d'automne à l'extérieur. Rendez-vous à la place de l'Université du Québec, coin Charest et de la Couronne, dans le quartier Saint-Roch, dès 18h, le 15 octobre. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30, cultivez vos goûts. Cultivez vos goûts. Est-ce que demain finira bien? J'ai que 10 ans, je n'en sais rien. Est-ce que les gens qui tirent sur les oiseaux ont-ils quelque chose dans leur cerveau? Je ne sais pas, je m'en fous. Il ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges? Est-ce que les gens qui dorment tout le temps ont-ils l'impression d'être vivants? Est-ce que les gens qui vivent tout nus ont-ils un poil dans la main? Je ne sais pas, je m'en fous. On ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges? Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, on est rejoint par Daniel Allaire de l'organisme Développement Épais, alors qui milite pour l'organisme. Alors, il nous fait honneur de collaborer avec nous une fois par mois en venant nous parler des enjeux qui leur tiennent à cœur et qui rejoignent souvent aussi des considérations qui sont très chères à ATTAC. Alors, Daniel, bonsoir. Bonsoir. Alors, fait plaisir de vous avoir avec nous là en studio. Alors, pourriez-vous brièvement nous rappeler ce qu'est l'organisme Développement Épais? Bien, Développement Épais est un organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catholique du Canada. Les membres de Caritas International, peut-être un organisme qu'on a entendu parler à un moment donné dans des situations d'urgence. Il a été fondé en 1967. À la suite de Vatican II, et est animé par des laïcs. Mm-hmm. Alors, il y a environ 13 000 membres au Canada. Et la mission est soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent de l'avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes. Parmi les objectifs qu'on poursuit, c'est appuyer des projets de partenariat du Sud et sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes sur les questions liées au déséquilibre Nord-Sud. Le financement se fait par des collègues dans des paroisses, principalement lors du carême de partage, des dons individuels que les gens font. Et on reçoit aussi une subvention de l'Agence de développement international, l'ACDI. Mm-hmm. Alors, depuis 1967, donc plus d'une quarantaine d'années, Développement Épais, qui est présent dans plus de 70 pays. Ah oui, quand même. Oui, très présent. On réalisait avec les partenaires 15 000 projets qui ont tenté de mettre mettre de l'avant ce que je viens de dire au niveau des objectifs. Et puis là, aujourd'hui, vous venez vraiment nous parler de plus, dans le fond, des industries extractives. Donc, alors, pourquoi Développement épais s'intéresse-t-il aux activités des industries extractives canadiennes dans les pays en développement? C'est à cause de leur comportement inacceptable. Ah oui? Dans les pays en développement. Plusieurs cas ont été rapportés ces dernières années dans les médias, soit en Amérique centrale, du Sud ou en Afrique. Je peux peut-être vous donner un exemple, cas du Honduras, un pays où les gens de la vallée de Siria vivent d'une agriculture vivrière, produisent du maïs, des haricots, des fruits. Mais ils ont un bonheur ou un malheur, tout dépend comment on voit la chose, leur sous-sol contient de l'or. Alors, ça... ça peut être bien heureux ou malheureux. Oui, ça dépend. Ah bon? En 1999, une compagnie minière canadienne, dont le siège social est à Vancouver, la compagnie Gold Corp, redémarre une vieille mine avec technologie la plus appropriée. Et là commencent les malheurs des gens de la vallée. Ah bon? Oui. Et pour extraire du minerai, il faut avoir beaucoup d'eau. Alors, c'est un endroit quand même assez semi-désertique. Et la mine, pour fonctionner, utilisait jusqu'à 80 millions de tonnes d'eau par an. OK, 80 millions de tonnes d'eau par an? Oui. Ah oui, ce qui a fait que même des rivières ont été asséchées. Pour extraire de l'or, ça prend des produits chimiques, dont le cyanure. OK. Est-ce que c'est toxique, ça, le cyanure dans l'eau? Très toxique, très toxique. On découvre aujourd'hui, après analyse de prise de sang, que les gens ont un taux anormalement élevé de mercure, de plomb, puis d'arsenic. Ah bon? Les femmes là-bas ont fait de nombreuses fausses couches parce que l'eau était polluée, donc tous ceux qui consommaient cette eau-là. Les agriculteurs ont perdu leur production agricole, leurs animaux ont été malades. Bien sûr, ils ont manqué d'eau parce que la mine en prenait trop. Et la population a dû se déplacer. Ah oui. Ça, c'est un scénario qu'on retrouve un peu partout dans des cas de développement, je dirais entre guillemets, là, sauvage, de mines dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et le cas du Honduras, particulièrement, a été bien documenté par nos partenaires là-bas. Et ça, mais ça arrive pas seulement... Donc, tout ça, c'est un cas au Honduras, mais vous me dites qu'il y en a... Est-ce qu'il y a des centaines de cas comme ça? Ou... Bon, en Tanzanie, en Afrique, on a des cas, également au Ghana, qui ont été documentés. Un autre endroit donc, qui me vient à l'esprit pour l'instant. Là, mais donc, ça, c'est vraiment le cas du Honduras. Donc, c'est c'est une mine quand même qui appartient à des Canadiens. C'est ce que vous me dites? Oui, c'est une compagnie canadienne, donc incorporée au Canada. Qui va développer. Et il faut se rappeler qu'au Canada, l'industrie minière est très présente. On l'oublie peut-être. Il y a environ 70 % là, des compagnies minières dans le monde qui viennent s'incorporer au Canada à cause de la législation qui leur sont favorables. 70 %? Oui, c'est énorme. Ah oui. Et puis, donc, c'est ça, Développement épais, est-ce que vous êtes est-ce que l'organisme est le seul à dénoncer ce comportement des minières canadiennes? Non. Plusieurs groupes de la société civile au Canada ont dénoncé ce comportement inacceptable des sociétés minières, pétrolières ou gazières. Ils ont formé ce qu'on a appelé le réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises. Ça fait assez de bruit qu'en 2005, le Comité permanent des affaires étrangères du commerce international de la Chambre des communes à Ottawa s'est réuni à examiner la situation. Ils en ont conclu, ont fait une recommandation qu'il était important et urgent qu'il y ait des changements politiques et législatifs pour que les entreprises canadiennes soient tenues responsables de leurs actes à l'étranger. À la suite de ça, le gouvernement a réagi et il a créé des tables rondes, tables rondes nationales sur l'activité du secteur extractif et la responsabilité sociale des entreprises. Ces tables rondes-là se sont tenues à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal en 2006. Okay. Alors, on y retrouvait des experts de l'industrie, des syndicats, des représentants de syndicats, Amnesty International, Développement et Paix, Kairos et un organisme très actif au Canada qui s'appelle Mining Watch. Et il y avait aussi, bien sûr, des universitaires. Alors, ce groupe-là de table ronde-là a fait des constats au cours de ces... Quels étaient-ils, ces constats? Bon. Heureux ou malheureux? Plutôt malheureux. Ah. Bon, ils ont constaté, bien sûr, que le gouvernement canadien soutenait, par ses politiques industrielles, par ses ambassades à l'étranger, par le régime de pension du Canada, les compagnies minières. Par le régime aussi, régime de pension. Oui, ben c'est que le régime de pension du Canada achète des actions des compagnies minières. Ben oui. Donc, il les finance indirectement. Ça encourage un peu l'industrie. Oui, en effet. Ils ont découvert aussi que le gouvernement canadien n'a pas de mécanisme réglementaire pour assurer le respect des droits de la personne et de l'environnement par les compagnies canadiennes. Ce que le gouvernement fait prône, c'est une approche volontaire pour le respect des normes internationales des droits de la personne et de l'environnement. Et ces normes-là sont souvent inspirées de ce que des organismes comme la Banque mondiale ou l'OCDE vont prôner. Et si on regarde un peu plus près, ils ont constaté, eux aussi, qu'il y avait peu ou pas de système de surveillance, de vérification indépendante à partir de ces normes-là. Il n'y avait pas de mécanisme de plainte et de redressement des torts que la population pourrait avoir. Alors, c'était plutôt bidon comme situation. Alors, les tables rondes ont fait une série de recommandations. Canada devrait avoir des normes pour les compagnies quant au respect des droits de la personne et de l'environnement. Et une recommandation particulièrement intéressante, c'est qu'on devrait avoir une loi qui tiendrait responsable au Canada, les entreprises et leurs directeurs, le conseil d'administration, des violations de droits des personnes à l'étranger. Et être logique, il fallait mettre en place des mécanismes canadiens de surveillance et de vérification de la conformité de ces normes-là par les entreprises canadiennes. On peut pas se fier aux gouvernements qui sont en place parce qu'il faut comprendre qu'ils subissent tellement de fortes pressions pour de la part de toutes les compagnies, dont les compagnies minières, pour créer de l'emploi. Donc, ils sont intéressés à ce qu'on crée de l'emploi, mais à quelles conditions? Alors, la situation est très difficile pour eux. Et la recommandation, peut-être, la principale était, pour les tables rondes, la création d'un ombudsman qui, au Canada, pourrait recevoir les plaintes des populations étrangères ou de Canadiens, les évaluer, le sérieux de ces plaintes-là, et faire rapport aux autorités compétentes. Alors, à la suite de ce rapport-là, le gouvernement canadien n'a pas donné suite immédiatement au rapport, et se voyant, des organismes comme Développement et Paix ont décidé de mobiliser pour faire changer la situation. Alors, merci Daniel pour ces informations. On va devoir se quitter un instant le temps d'une pause musicale. On se retrouve tout de suite après, toujours avec Daniel Allaire de Développement et Paix, pour notre suite sur le projet de loi. Alors, que je me rappelle du nom, donc le, si vous voulez. C'est 300. Excellent! À tout de suite! C'est la vie qui s'enfuit de son corps. Nous nous tenons en cercle autour de lui. Il ne reste qu'à pleurer. Bientôt il sera sec comme du bois mort. Alors qu'hier encore, il bâtissait une maison sur le bord du fleuve. Une poussière d'or est remontée jusqu'à son cœur et lui a fait voir la mort. Allongée sur un lit, on croirait qu'elle meurt, mais c'est bien la vie qu'elle donne ici. Nous nous tenons en cercle autour d'elle et nous tendons les mains pour dire bienvenue au petit qui sort des bras de la mort. Une poussière d'or est remontée jusqu'à son cœur et lui a fait voir la vie. Que pleurer de joie ou de peine quand la mort et la vie transportent ce qu'on aime sur un fleuve sans remords, éblouissant et profond, horizon où tout passe et s'évanouit. Une poussière d'or est remontée jusqu'à notre cœur et nous n'y comprenons rien. Comme des cartes sans échelle ni légende qui s'inventent des histoires pour comprendre, pour savoir par quel bout il faut prendre ce qui n'a jamais pu s'apprendre. Voyageur sur une ligne de paquebot intérieur pour une croisière vers ailleurs, ballotté au gré des vagues, les gens naissent, les gens meurent, sans raison disparaissent sous la surface. La poussière d'or est remontée jusqu'à notre cœur et nous n'y comprenons rien. Entendu Jérôme Minière avec Poussière d'or. Alors, de retour à CKRL avec l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec qui va se poursuivre jusqu'à 18h30. Ça va être suivi de l'émission 100% dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau. Donc, je suis en compagnie de Daniel Allaire, donc de l'organisme Développement Épais. Et il nous parle, il vient de nous parler de la responsabilisation des entreprises minières canadiennes à l'étranger. Et il nous parlait un petit peu de certaines recommandations qui ont été émises de la part d'un comité permanent des affaires étrangères et du commerce international. Donc, pouvez-vous maintenant là, poursuivre sur... pouvez-vous nous parler, dans le fond, de la mobilisation des membres autour du plaidoyer, autour des députés fédéraux? Alors, au niveau de Développement Épais, on essaie de faire avancer les choses en passant par ce qu'on appelle, nous, le plaidoyer. C'est-à-dire qu'on essaie par des actions concrètes auprès des décideurs, ce que les choses puissent changer. Alors, en 2006, on a entrepris un plaidoyer auprès du gouvernement fédéral pour qu'il refuse son soutien financier aux entreprises qui ne respectent pas les normes internationales des droits humains et de l'environnement. Pour ce faire, on a demandé aux gens d'écrire des lettres et de signer des cartes qui ont été expédiées au gouvernement. Il y a eu, à ce moment-là, en 2006, 153 000 signatures. C'est quand même intéressant. Reprise en 2007, toujours dans une même perspective, mais de sensibilisation, de mobilisation de la population canadienne pour qu'on donne suite au rapport des tables rondes dont je parlais antérieurement. Vous vous souvenez, je vous disais qu'on souhaitait avoir la création d'un poste d'ombudsman. Donc, il y a eu à peu près 190 000 gens qui ont fait des signatures en accord avec ça. Mm-hmm. 2008, un autre plaidoyer pour que les minières respectent les droits à la terre et à la souveraineté alimentaire. Mm-hmm. Il y a 140 000 personnes qui ont signé. Bon, comment ça fonctionne, ce plaidoyer-là? On signe donc des cartes, des lettres qui ont été envoyées soit au premier ministre ou encore aux députés. On a formé dans chacune des circonscriptions fédérales des comités et qui allaient rencontrer les députés pour les sensibiliser aux droits de l'homme et de l'environnement. On leur apportait des cartes signées par des gens, des sympathisants, des membres de Développement et Paix. En tout, pendant ces trois années, c'était presque un demi-million de cartes qui ont été remises aux autorités gouvernementales, soit au premier ministre ou aux députés. Est-ce qu'il y a eu une réponse du gouvernement fédéral à ce niveau-là? Ils ont fini par répondre. Ah oui? En 2009. Ils ont été forcés de répondre? Ben, je crois que là, la soupe était chaude. OK. Hein? Ils ont produit un document qui a pour titre « Renforcer l'avantage canadien ». D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, pas grand changement. Ils proposaient une approche basée sur le respect volontaire des principes de sécurité, de droits de l'homme prônés par la Banque mondiale, par l'OCDE. Respect volontaire. Oui, oui, c'est toujours... Donc, il n'y a pas une loi, là. La loi n'était pas... On change rien. Ce qu'on a ajouté, c'est un conseiller en responsabilité sociale de l'industrie extractive. Ah bon? Ce conseiller-là aurait eu à faire l'examen des pratiques de responsabilité sociale des entreprises et de conseiller ces entreprises-là. Mais il y avait... ça prend le consentement des parties impliquées en cause pour que il y ait un examen des pratiques en question. Donc, si une compagnie ne veut pas qu'on examine ses pratiques... Donc, le conseil exécutif, par exemple, ils ne veulent pas qu'on... Non, c'est ça. Si le conseil d'administration ne veut pas qu'on examine, ben ça tombe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En plus de ça... pour que le conseiller en responsabilité sociale puisse bouger, il faut qu'il y ait le consentement des parties en cause pour examiner les pratiques des entreprises. Puis, il ne pouvait pas avoir sa propre initiative, se lancer dans un examen des problèmes qui lui apparaissaient évidents. Et il ne pouvait pas non plus faire de recommandations contraignantes. Mm-hmm. Alors, cette situation-là était inacceptable pour la majorité des gens qui étaient intervenants à ce niveau-là, et même pour des gens de l'industrie. Certains, le monde ne sont pas pensent à la même chose, et qui trouvaient que c'était un peu trop faible. OK. Donc, de là, l'initiative du projet de loi C-300? Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'un député libéral de l'Ontario, de Scarborough-Gilwood, M. John McKay, a présenté un projet de loi, le projet de loi donc d'initiative parlementaire, le C-300, et ce projet de loi-là, qui a pour titre « Loi sur la responsabilisation des sociétés à l'égard de leurs activités minières et pétrolières, gazières dans les pays en développement ». Alors, ce projet de loi-là a été appuyé par Développement et Paix. OK. Donc, c'est vraiment l'initiative du député libéral John McKay. Oui. Il s'est inspiré un peu du projet de loi que Alexa McDonough du NPD avait présenté, qui était resté lettre de monde. Ah bon, Alors, pourriez-vous nous expliquer les raisons qui motivent Développement et Paix à appuyer le projet de loi C-300 sur la responsabilité sociale des entreprises extractives? Bon, c'est une possibilité concrète de changer les pratiques abusives des entreprises minières canadiennes à l'étranger. Ça l'intègre aussi la plupart des recommandations des tables rondes nationales, sauf l'aspect ombudsman, parce que ça implique des dépenses publiques et un projet de loi privé ne peut pas faire ça. Ça permet aussi de couper l'aide gouvernementale, l'aide des ambassades de Exportation et Développement Canada aux entreprises qui ne respectent pas les lignes directrices qui seraient à être établies. Donc, il y aurait pas des condamnations, mais il y aurait des... Il y aurait des incitatifs financiers. Là, on vous coupe les subventions ou l'aide qu'on vous accorde. Et surtout, ça met en place des mécanismes légaux pour gérer ces plaintes-là. Obligation de recevoir les plaintes des citoyens des pays concernés, mais aussi des Canadiens. OK. On fait un examen sérieux aussi de ces plaintes. On doit faire un rapport qui va être publié dans la Gazette officielle du Canada. Ah oui, OK. Alors, le C-300, à l'heure actuelle, est rendu, après sa deuxième lecture, étude en comité, un rapport qui a été étudié le 20 septembre dernier par la Chambre des communes. Ah, okay. Et la prochaine étape est très bientôt, une semaine et demie à peine, c'est le 26 octobre prochain, où on va étudier en troisième lecture. Alors, si on veut que nos auditeurs là, puissent faire quelque chose pour vous soutenir dans ce projet de loi-là, donc de C-300, ça serait de... Ben, de se mobiliser. Il reste très peu de temps parce que la deuxième lecture est passée très près. Hein? 137 voix pour contre 133. Oh, et... donc oui, c'est serré oui, pour très que serré. Ça ne passe pas. Donc, on peut peut-être dans les prochains jours, la prochaine semaine, appuyer ce projet-là, en écrivant son député fédéral. Bon, si les gens sont à court d'inspiration, peuvent toujours aller sur le site web de Développement et Paix, devp.org, et vous allez avoir une lettre type pour adapter votre style et faire parvenir ça à votre député. Si vous savez pas le nom de votre député, vous pouvez aller, ça arrive souvent, le député fédéral, vous allez sur le site du Parlement du Canada, la page d'accueil, vous avez un endroit où on vous indique, c'est très clair. Tapez votre code postal et vous allez savoir le nom de votre député. Et vous allez avoir toutes ses coordonnées pour envoyer votre lettre. Parfait. Alors, Daniel, merci beaucoup. Alors, j'invite les auditeurs à aller cette semaine ou en fin de semaine donner une lettre d'appui au projet de loi C-300 à votre député fédéral. Donc, comme il y a été dit, vous pouvez aller sur le site web de Développement et Paix ou également pour trouver votre député fédéral sur le site du Parlement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je voudrais remercier John Gutierrez qui était à la mise en onde aujourd'hui et également notre très cher producteur et chroniqueur Cédric Leterme. Et également, un merci tout à fait particulier à Daniel Allaire de Développement et Paix pour son intervention de venir nous parler des sujets d'actualité. Et je vous rappelle que nos enregistrements sont toujours sur le site de CKRL et toujours possible de nous écrire au legrainsable@hotmail.com. Et on se retrouve vendredi prochain, 17h30. Je vous remercie. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau pour l'émission 100% dynamite.